Les conversations que j'ai eues avec mes collègues, les paroles des personnes que j'ai rencontrées, les archives que j'ai découvertes, quand j'en pense à ça, je vois tellement d'images, de slogans, et aussi tout ce que ça a fait remonter en moi. La joie, la peur, la curiosité. Je me souviens aussi de l'excitation d'ouvrir une boîte d'archives trouvée par hasard dans un entrepôt de l'association étudiante, et de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les rues de ma ville? Hey, qu'est-ce qui s'est passé en 2012? On s'en rappelle, c'est assez frais. Et donc, des étudiantes et étudiants de l'Université de Laval ont mis sur pied un projet balado et une exposition urbaine dans plusieurs lieux. Le projet s'intitule 2012, mémoire à faire. Ce projet a pour objectif de commémorer les 10 ans du printemps étudiant de 2012 dans la ville de Québec et de restituer au public la mémoire des événements par la mise en valeur d'archives et d'une quinzaine de témoignages oraux. Je viens de citer la description officielle du projet. Simon-Olivier Gagnon est doctorant en archivistique. Il fait partie de l'équipe de conception de tout ça, parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans. Simon-Olivier, salut. Bien, bonjour, Marjorie. Merci d'être là. Merci. Et toi, tu as vécu la crise étudiante en tant qu'étudiant? On l'a préparé en 2010-2011. Donc, j'ai fait mes classes politiques là, au Deconinck. Et avant ça, on a fait plusieurs manifestations pour préparer le tout. Et j'ai eu la chance de faire des séjours à l'étranger pendant cette période-là. Donc, je l'ai vécu là, grâce aux médias là, de Concordia, CUTV. Oui, là... et que je me souviens de ça. C'était extraordinaire pour travailler. Moi, je travaillais dans les médias déjà à cette époque. Puis je me souviens qu'on était fascinés par ce que faisait CUTV, parce que c'était une des premières fois qu'on voyait les gens filmer des événements live et diffuser ça en direct. Je pense que c'était sur Twitter ou il y avait peut-être une autre plateforme, mais c'était quand même extraordinaire. Et après ça, tous les médias se sont mis à faire des lives un peu partout, puis pas juste dans les bulletins de nouvelles, là, on s'entend, là, mais vraiment à toute heure du jour quand il y a un événement, pouf, on tombe en live. Je me souviens de ça. Merci. Tu vois, c'est une archive que j'avais dont j'avais perdu la mémoire. Le projet comme tel est constitué de plusieurs volets. J'ai parlé de balado. Il y a aussi des expositions. Il y en a ici même dans les vitrines de ces CAIA. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces vitrines, dans ces expos? D'abord, aux vitrines qu'il y a à ces CAIA, c'est essentiellement des vitrines didactiques. Là, donc, on essaie de présenter un peu l'introduction du projet, des épisodes 1 à 5. Là, on va avoir en masse le temps d'inviter les gens à aller l'écouter. Mais c'est essentiellement des documents qu'on a, nous, repérés sur le terrain, qu'on a trouvés et qu'on voulait donner à voir aux gens qui vont écouter le balado. Puis c'est une façon d'aller plus en profondeur ou peut-être d'accéder à une forme de matérialité là, des documents. Oui. Pour commencer la réflexion, peut-être, là, Thomas Harton, celui qui fait notre narration, il y avait 13 ans au moment des événements. Hier, j'ai donné la carte, le flyer est sous le format d'une carte postale, donc je l'ai donné à une jeune fille qui avait 7 ans au moment. Elle m'a dit « Ah, j'avais 7 ans, donc peut-être que ces vitrines-là peuvent permettre justement à des gens d'une autre génération, des gens qui ont pas du tout idée de ce que ces événements-là ont été, d'y avoir accès. » Oui, tout à fait. Et c'est drôle que tu parles d'une jeune fille qui avait 7 ans parce que mon fils avait 8 et j'ai fait des casseroles avec lui et il s'en souvient. Il se souvient même que dans la cour d'école à Saint-Fidèle, Limoilou, déjà il y avait des pour et des contre. Là. Il y avait des carrés verts puis des carrés rouges dans la cour d'école primaire. Mais mon fils se souvient vraiment de cette période-là parce qu'il y avait eu quelques petites chicanes avec ses amis. Puis moi, j'étais dans je casserolais avec lui. Puis c'était impressionnant. C'était comme une grosse parade. Bref, lui aussi, il y a eu un certain éveil politique grâce au printemps étudiant. C'est quand même quelque chose. Et donc, oui, ça peut approfondir finalement le champ des connaissances de tout le monde en ce qui a trait à cet événement-là. Là, où est-ce que vous avez trouvé vos documents comme tels? Vous avez fait appel aux gens? Ça a commencé petit à petit là, avec des questions qui ont eu des réponses. Mais initialement, je te dirais que j'ai trouvé beaucoup de documents là, à Chiz avec des émissions, une émission matinale qui s'appelle La descente du lit, qui recensait là, vraiment au jour le jour l'année 2012. Donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et après ça, effectivement, là, on a posé des questions. On s'est déplacé dans certaines associations étudiantes, au Cégep Sainte-Foy, mais sur le campus de l'Université Laval aussi. Et là, petit à petit, comme ça, bien, il y a des gens qui nous ont contactés, qui nous ont partagé leurs propres documents, que ce soit des photographies, des vidéos, ou je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais certains documents de field recording, de l'enregistrement oui. de foule, là, d'une qualité incroyable. Là, donc, on peut entendre des slogans, justement, là, dans le début de l'indicatif du balado. Simon-Olivier Gagnon, bon, je le disais en introduction, là, tu fais un doctorat en archivistique. Est-ce que c'est pas trop tôt d'archiver un événement qui a eu lieu il y a 10 ans? Bien, il y a des gens qui l'ont fait là, à propos de la crise sanitaire là, sur le vif. Là. D'ailleurs, c'est une expression sur le vif, archivée sur le vif, qui se retrouve dans l'épisode numéro 1 là, avec David Widgington qui, lui, collectait des tracts, des affiches depuis le moment du sommet des Amériques en 2001. Donc, bon, la crise sanitaire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Là. Donc, je pense qu'un mouvement social... qu'on commence à le documenter au moment même, juste en faisant des entrevues avec des militants, des militantes, des gens qui sont actifs sur le terrain, eh bien, ça permet de le documenter, puis c'est une forme de médiatisation après ça. Là, C'est mieux de le faire tout de suite que d'attendre, justement, des années plus tard, puis là, tout se perd. Là. Les médias changent aussi, hein? Ça doit être assez... Bon, on parle du papier, ça reste du papier, mais ça s'effrite quand même. Mais si on parle des médias numériques, là, je veux dire, le tape à cassette, à un moment donné, c'est plus difficile à lire. Oui, mais le tape à cassette, des fois, le grain reste encore là, alors que des fois, on cherche une entrevue sur Internet et sur une page web. La page web nous envoie vers un vide. Là. Message d'erreur, c'est ça. 404. Sur le site web de du Journal de Québec, ça donne sur un nid de poule. Ah, ben oui. C'est très représentatif okay. du Québec, notre mémoire peut-être. Oui, c'est ça. Ben, parlons-en, la mémoire québécoise, nid de poule. Pourquoi tu dis que c'est représentatif? Ben, je sais pas. Je crois qu'il y avait une idée de faire des mémoires là-dedans parce que au sein du mouvement étudiant, c'est des cohortes d'étudiants qui durent 3 ans, des fois 4 ans. Donc, de réussir à cristalliser quelque chose comme une mémoire. Puis je pense pas que le but, c'est de cristalliser une mémoire. Puis c'est peut-être de réussir à rassembler certains documents, certaines pièces, certains témoignages à partir duquel on peut tous et toutes faire des mémoires. Là. Je pense qu'il y a quelque chose au Québec qui reste à faire et qui est peut-être davantage assumé là, dans le reste de la francophonie, en France, pour ce qui est des archives des mouvements sociaux, pour ce qui est des archives des mouvements étudiants. Il y a des syndicats qui mettent l'épaule à la roue, il y a des groupes de recherche qui mettent l'épaule à la roue et qui continuent un travail de fond. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire là, par les étudiants s'ils sont seulement que 4 ans, 3-4 ans. Ça prend des gens qui réfléchissent à ça sur le long terme. Ouais. Et après ça, ça peut... permettre d'alimenter d'autres réflexions politiques actuelles ou... Mais tout à fait, on peut apprendre du passé. Il faut apprendre du passé. Il y a 5 épisodes balado qui sont disponibles. Tu l'as nommé tantôt, on suit Thomas, un étudiant de 23 ans qui revit un peu grâce à ce qui s'est passé, grâce aux archives, les événements des étudiants de 2012. Et les thématiques, il y en a 5 différentes. On vous invite bien sûr à aller écouter ça. Si on pouvait nommer quelques invités là, que vous recevez pour donner des clés d'écoute aux auditeurs et auditrices... On a Viviane Labrie, entre autres. Oui, effectivement, Viviane Labrie dans l'épisode numéro 2 avec Paul-Émile Auger, qui a été aussi un acteur très fort du mouvement de 2012, qui a été représentant de la TASEC. Paul-Émile nous parle de son rapport historique au militantisme, du leadership qu'il a assumé et de l'importance des mouvements sociaux. Viviane, elle nous parle de l'histoire du Carré Rouge. Donc, Viviane, qui était une ethnographe là, de longue date des années 70, qui était porte-parole pour le Québec, le collectif Point Québec sans pauvreté. Oui, oui. Ensuite de ça, on a 3 intervenants pour le point de vue un peu des professeurs dans les cégeps de la ville de Québec et à l'Université Laval. Donc, Martin Hébert pour l'Université Laval, Hélène Nazon pour le cégep Garneau et Valérie Caillouette-Guillotot pour le cégep Limoilou, qui s'est présentée là. Oui, oui, j'ai vu ça, je l'ai reconnue, j'ai fait « Ah! » parce qu'elle a été chroniqueuse ici à l'émission il y a quelques années. Hélène Nazon, qui est une fidèle auditrice de l'émission, en tout cas, on est dans les mêmes temps. Linda Forgue aussi, qui, elle, parle d'arrestation, c'est ça, du côté légal des manifestations, c'est ça? Effectivement, ça, c'est l'épisode 4. Elle est aussi accompagnée de Guylaine Saint-Pierre, qui, elle, à chaque fois qu'elle allait devant l'Assemblée nationale, elle retranscrivait les slogans qu'elle avait entendus le soir même. Donc, on peut d'ailleurs voir là, dans la vitrine à Sequoia, à droite, à Sequoia, justement, une photo de son carnet dans lequel elle a transcrit ces slogans-là. Donc, on peut voir ces vitrines-là jusqu'au 15. Puis, là, on a parlé de celle de Sequoia, ouais. Mais il y en a d'autres. Oui, il y en a une autre, en fait. Et deux, trois vitrines comme ça, c'était suffisant. Là, puis c'était quand même un défi à monter. L'autre vitrine est dans les locaux de l'orchestre de Morques, juste à côté des voûtes du palais. Donc, au bout de Saint-Vallier, là, oui. Si, à côté de Emmaüs. Donc, c'est disponible jusqu'au 15 octobre. Là. Parfait. Donc, on peut se promener dans la ville, écouter le balado en même temps. Ça, c'est la formule idéale. Oui. Écouter des balados en marchant, là, moi, c'est vraiment... c'est comme ça que j'ai appris à écouter la radio. Et c'est comme ça que j'aimerais continuer de le transmettre. Là. Je pense qu'il y a quelque chose là, qui se passe entre la marche, l'écoute, une forme d'attention un peu vaporeuse qui existe. Oui, puis on parle d'une histoire qui a eu lieu dans les rues de Québec. Donc, si on marche dans les rues de Québec, hein, on joint la forme et le fond. Dans le conceptuel. L'histoire se poursuit, l'histoire étudiante. J'ai pas le choix de faire un petit croche vers Gabriel Nadeau-Dubois, qui était quand même un des trois leaders de la crise, qui est maintenant chef de Québec solidaire. C'est quand même assez particulier. On l'a jamais perdu de vue, lui. Il reste là. Deviendra-t-il une archive un jour? C'est ça la question. C'est une joke, là. Hein? Hein? Je fais une blague. J'en profiterai pour dire que qu'est-ce qu'il y a avec l'historiographie officielle et qu'est-ce qu'il y a avec la question des archives, c'est que c'est souvent sur les grands personnages, les René Lévesque qui fêtent leur centième, mais tout ce qui est archives, un peu des gens ordinaires, des militants, des gens qui sont sur le terrain, au jour le jour, des gens qui font du travail social, du travail communautaire, mais tous ces gens-là, ils sont un peu invisibilisés. Donc le but, c'est de prendre le temps peut-être d'écouter les médias communautaires, les radios universitaires aussi, qui ont des documents d'archives et qui permettent justement de montrer un peu, peut-être une temporalité quotidienne qu'on oublie peut-être. Là. Donc, effectivement, ce sont cette personne-là qui est David, Gabriel Nadeau-Dubois, a été une figure, une personnalité peut-être importante à ce moment-là, mais je pense que derrière lui, aux côtés, devant lui, il y a bien des gens qui... Tout à fait. Et je suis très contente de t'avoir posé la question parce que ça nous a donné l'occasion justement d'en parler de ces gens, de la foule, de ces gens qui se sont impliqués aussi de manière très forte dans cette crise étudiante. Merci beaucoup, Simon-Olivier Gagnon. Quel beau projet. Allez faire un tour. Bon, le balado est disponible sur plusieurs plateformes, mais notamment sur le site 2012.ckiafm.org. Vous allez pouvoir le retrouver. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye.